Excusez-moi, savez-vous où se trouve la rue Montaigne ? Vous ne voyez pas que je suis occupé ? Et moi, je suis perdu. Bon, vous continuez tout droit, et au feu, tournez à gauche. Tout droit, et au feu, à gauche. Merci, bonne journée.